Salut, salut, salut. Comme tous les dimanches, Lost in Space, votre rendez-vous punk rock du dimanche soir sur le Radioactive 100 FM. Aujourd'hui consacré en grande partie à un de mes groupes favoris, les Flipper, groupe américain de San Francisco, qui a commencé dans les années, à la fin des années 70, plus exactement 79. C'est, pour résumer, Flipper, exactement le contraire de groupes comme Fugazi, qui était straight edge, qui faisait attention à ce qu'ils faisaient, leur consommation de drogue, d'alcool et ce genre de choses. Flipper, c'est exactement le contraire. Toujours complètement ivre-mort sur scène, déstructuré, parfois mal joué. Ils avaient l'habitude de faire monter en fait le public sur la scène et qu'ils faisaient n'importe quoi, débrancher les amplis, enfin bref. Un vrai bordel, responsable de tout un tas de morceaux extraordinairement bizarres comme Sex Bomb Baby et ainsi de suite. Et on va attaquer d'ailleurs avec un morceau vraiment emblématique de ce qu'ils font. Ça s'appelle A-A-A-A-A-A-A et c'est parti pour 3 heures. We'll be right back. Il semble enfin que le ressentiment se délecte d'avance d'une douleur qu'il voudrait voir ressentie par l'objet de sa rancune. Nietzsche et Scheller ont raison de voir une belle illustration de cette sensibilité dans le passage où Tertullien informe ses lecteurs qu'au ciel, la plus grande source de félicité parmi les bienheureux sera le spectacle des empereurs romains consumés en enfer. Cette félicité est aussi celle des honnêtes gens qui allaient assister aux exécutions capitales. La révolte, au contraire, dans son principe, se borne à refuser l'humiliation sans la demander pour l'autre. Elle accepte même la douleur pour elle-même, pourvu que son intégrité soit respectée. Shirley's got a lot on her lips. Jake's got a mucky shine on his head, and Deborah Ann's got a tiger in her hips. They can twist and turn, they can move and burn, they can throw themselves against the wall, but they creep for what they need, and they explode to the car, and then they move. Very stupid like a saw. Very stupid as the simple thought of ever thinking at all. And all the mind, all the soul, all the body, all we know, all the things that should have made us whole. All the colorless security was only so it could go. Apartment's bed, your sacrificial pool. My body in the water, and my heart is in your hand. So this is the way you choose to send me to the judgment land. So you can't move, move. Oh, sex beat, go. On ne comprend donc pas pourquoi Scheller identifie absolument l'esprit de révolte au ressentiment. Sa critique du ressentiment dans l'humanitarisme, dont il traite comme de la forme non chrétienne de l'amour des hommes, s'appliquerait peut-être à certaines formes vagues d'idéalisme humanitaire ou aux techniques de la terreur. Mais elle tombe à faux en ce qui concerne la révolte de l'homme contre sa condition, le mouvement qui dresse l'individu pour la défense d'une dignité commune à tous les hommes. Scheller veut démontrer que l'humanitarisme s'accompagne de la haine du monde. On aime l'humanité en général pour ne pas avoir à aimer les êtres en particulier. Cela est juste dans quelques cas, et on comprend mieux Scheller lorsqu'on voit que l'humanitarisme est représenté pour lui par Bentham et Rousseau. Mais la passion de l'homme pour l'homme peut naître d'autre chose que du calcul arithmétique des intérêts ou d'une confiance, d'ailleurs théorique, dans la nature humaine. En face des utilitaristes et du précepteur d'Émile, il y a par exemple cette logique incarnée par Dostoïevski dans Ivan Karamazov qui va du mouvement de révolte à l'insurrection métaphysique. Scheller, qui le sait, résume ainsi cette conception. Il n'y a pas au monde assez d'amour pour qu'on le gaspille sur un autre que sur l'être humain. Même si cette proposition était vraie, le désespoir vertigineux qu'elle suppose mériterait autre chose que le dédain. En fait, elle méconnaît le caractère déchiré de la révolte de Karamazov. Le drame d'Ivan, au contraire, naît de ce qu'il y a trop d'amour sans objet. Cet amour devenu sans emploi, Dieu étant nié, on décide alors de le reporter sur l'être humain au nom d'une généreuse complicité. People remain as cattle. here my whole life. Probably come to die in this town. Live here my whole life. Never anything to do in this town. Live here my whole life. Never anything to do in this town. Live here my whole life. Probably learn to die in this town. Live here my whole life. Nothing to do, sit around at home. Sit around at home, stare at the walls. Stare at each other and wait till we die. Stare at each other, wait till we die. Probably come to die in this town. Live here my whole life. There's kerosene around. Something to do. There's kerosene around. She's something to do. There's kerosene around. She's something to do. There's kerosene around. We'll find something to do. There's kerosene around. She's something to do. There's kerosene around. Set me on fire. Au demeurant, dans le mouvement de révolte tel que nous l'avons envisagé jusqu'ici, on n'élit pas un idéal abstrait par pauvreté de cœur et dans un but de revendication stérile. On exige que soit considéré ce qui, dans l'homme, ne peut se réduire à l'idée, cette part chaleureuse qui ne peut servir à rien d'autre qu'à être. Est-ce à dire qu'aucune révolte ne soit chargée de ressentiment ? Non, et nous le savons assez, au siècle des rancunes. Mais nous devons prendre cette notion dans sa compréhension la plus large, sous peine de la trahir, et, à cet égard, la révolte déborde le ressentiment de tous côtés. Lorsque, dans les hauts de Hurlevent, Heathcliff préfère son amour à Dieu et demande l'enfer pour être réuni à celle qu'il aime, ce n'est pas seulement sa jeunesse humiliée qui parle, mais l'expérience brûlante de toute une vie. Le même mouvement fait dire à Maître Eckhart, dans un accès surprenant d'hérésie, qu'il préfère l'enfer avec Jésus que le ciel sans lui. C'est le mouvement même de l'amour. Contre Scheller, on ne saurait donc trop insister sur l'affirmation passionnée qui court dans le mouvement de révolte et qui le distingue du ressentiment. Apparemment négative, puisqu'elle ne crée rien, la révolte est profondément positive puisqu'elle révèle ce qui, en l'homme, est toujours à défendre. Albert Camus, L'homme révolté. possible. Now you ain't got a number, you just wanna rumble, and there ain't no way you're gonna go under. Go under, go under. Il est 1h30 du matin, j'ai quitté Cathy vers 1h et je suis maintenant assis au comptoir du nouveau snack jour et nuit. Je mange un sandwich au jambon tout en discutant avec Al, le loufia de nuit. Derrière moi, la porte s'ouvre, se referme et une espèce de gros mec trapu s'amène au bar et se juge sur le tabouret à ma droite. Thank you. My fault, I must not take that thought. Vous me croirez peut-être pas, dit-il à Al, mais je cherche un nommé Smith. J'y renonce, réplique Al. Un blaze pas ordinaire, je remarque. Il me jette un coup d'œil. Il doit faire dans les 40 ans, ex-poids moyen légèrement décati, épais, avec un grand blaire et des sourcils broussailleux. Il porte un complet marron élimé dans lequel il flotte un peu. Sa cravate est peinte et le nœud en est trop large. Et c'est justement, approuve-t-il, je me suis dit que ça faciliterait les choses. Et quel est le prénom du Smith en question, je m'inquiète ? Tim. Alors, vous êtes dans un jour de veine. Il se laisse glisser à bas du tabouret. C'est vous ? En général, oui. Il commence à se tâter les poches. Je suis venu vous trouver de la part d'un gars, explique-t-il. Paraît que vous êtes le seul privé du patelin. Il fronce les sourcils et se fouille toujours. Il m'a donné une lettre, reprend-il. Finalement, il se tapote la poitrine et prend un air soulagé. Ça y est, je l'ai, dit-il, et il glisse la main sous son revers. Son regard s'anime vaguement. You're so boring. You're so boring. You're so boring. You're so boring.

damage was done. This song goes on for far too long. Get problem. Je lui expédie le fond de ma tasse de café au visage et plonge au carrelage. Il loge un pruneau dans mon sandwich et se met à brailler. Là-dessus, je me redresse d'un bond et le délaisse de son pétard. Je suis peut-être un peu mastoc, mais j'ai encore des réflexes rapides en cas de nécessité. I need somebody new. I need a miracle. Revolution, masturbation, don't feel the same. I'll pull you in my rocks of water. Still time. Well, if I think about radiation, I wanna masturbate. It's a sexual attraction, nuclear orgasm. That makes me undulate. Radiation, masturbation, don't feel the same. Al est déjà dans la cabine téléphonique et forme le numéro du commissariat central. Je recule pour me mettre hors de portée et j'examine le flingue que je tiens à la main. C'est un 32 à canon court, le meilleur outil pour tirer à bout portant. Sur moi, par exemple. Le type qui voulait m'assaisonner essuie sa figure dégoulinante de café avec sa cravate et il fait une sale gueule. Through my ashes, some will fall in love with life and drink it from a fountain that is pouring like an avalanche coming down the mountain. I don't mind the sun sometimes, the images it shows. I can taste you on my lips and smell you in my clothes. Cinnamon and sugary and softly spoken lies. You never know just how you look through other people's eyes. I got a six pack and nothing to do. I got a six pack and I don't need you. Thank you. drôle de façon d'amorcer la conversation, je lui dis. Bah, si j'avais su que vous étiez rencardé. Il hausse les épaules dégoûté. C'est toi qui m'as alerté, je réponds. T'avais oublié de te décontracter. Dans quelle branche t'es spécialisé? Passez la main, fait-il. Je ne suis pas un bougeau intégral, je reprends. J'ai appris 2 ou 3 petits trucs au casse-pipe. people believe in things to make their lives seem real. Crawling like bugs and some fooling their zeal. Boasting of freedom when they're tied down in chains. It's time to give it up. Here comes the death rain. It's sold a decade at a time. Life is pretty cheap, it's so easy to find. Life is pretty cheap, there's really nothing new. Life is pretty cheap, except for that poor delirious view. Revient derrière son comptoir. Ils envoient une bagnole, dit-il. Il écarte les restes de sandwich au milieu des débris de l'assiette fracassée. Vous auriez au moins pu attendre d'être dehors, proteste-t-il. Mais je vois pas pourquoi vous avez appelé les flics, remarque le type. J'en reste un instant sidéré, puis je rétorque. Ça me paraît pourtant assez évident. Pourquoi ? Je m'amène ici pour vous vendre ce pétard, des fois que vous ayez envie de l'acheter. Vous me flanquez du café dessus pendant que je le tiens et le cours pas accidentellement. C'est tout, il n'y a pas de bobo, je suis prêt à payer l'assiette. Il y a un trou dans le formica, dit Al. Il a l'air dégoûté lui aussi. Bon, ça va, je paierai l'assiette et la réparation du formica sans compter ce sandwich dégueulasse. Qu'est-ce qu'on a besoin de mêler les poulets à tout ça ? Même dans des circonstances ordinaires, je lui dis, ton histoire ne ferait même pas rigoler un canasson. Or, justement, les circonstances ne sont pas ordinaires. Et pourquoi ça ? On t'avait signalé qui j'étais. Il hausse les épaules. down the window. Hold on a second. You got a cigarette? No, I don't have a cigarette. Hold on a second. You do the talking. May I see your driver's license and registration? Certainly. What you doing? Chewing chocolate. Where'd you get it? Doggy dropped it. Carry on. I don't give a fuck about the FBI. I don't give a fuck about the CIA. Oui, un privé. Le seul privé de la ville, je précise. Le seul de Winston. Et tu sais pourquoi je suis le seul privé de Winston ? Nouveau haussement d'épaule. Il s'en fout comme de sa première chemise. Dans un bled perdu comme ça, fait-il, il n'aurait pas les moyens d'en entretenir deux. Eh bien, je connais tout le monde ici, je reprends. Les politiciens, les hommes d'affaires et les flics. C'est pour ça que je suis le seul privé du patelin. Et c'est pour ça que les circonstances ne sont pas ordinaires. C'est aussi pour ça que ton histoire ne ferait rigoler personne. Je tenterai toujours ma chance, dit-il. De quelle chance tu parles ? Il hausse encore les épaules, mais ne répond pas. J'attends. Je veux être sûr qu'il se rend exactement compte de la situation dans laquelle il se trouve. Quand je le vois commencer à se mordiller les lèvres, j'enchaîne. Bien sûr, il y a toujours un moyen de t'en tirer. Il lève le sourcil. Tu n'as qu'à me dire qui t'envoie et tu files avant que la police débarque. Il reprend son air écœuré. J'ai fait une boulette, reconnaît-il d'un ton maussade. Ça ne veut pas dire que je suis le dernier des amateurs. Comme tu voudras.